Gubunda, sa no me se gubunda, ouais. Gubunda, sa no me se gubunda. Oui, oui. Gubunda, sa no me se gubunda. Allez, Obili. Gubunda, sa no me se gubunda. Elle est plutôt cool, tactile, la lebada. Une batte gale de baiser qu'à Saint-Imada. Oula, oula. Tous mes rapis en deviennent fous. Gubunda. Oula, oula. Tactile. Pour l'aborder, t'as dû comprendre la tactique. Elle a rien de fake, elle a rien de factice. Remballe tous tes poèmes, elle préfère le practice. Oula hoop, follow son Instagram si tu veux les scoops. Oula oula hoop, vite t'es témoin qu'on en flou. Gubunda, ça nous met c'est Gubunda. La place du qui? Gubunda, ça nous met c'est Gubunda. Il a les bada, une batte gale de baiser qu'à Saint-Imada. Voilà. Oula ou, tous mes rapis en deviennent fous. Gubunda. Oula ou, oula ou, comme un effet oula ou. Oula ou, oula ou, comme un effet oula ou. Appelle-moi sœur, appelle-moi Mister. Wow. Toi tu parais seul, tu parais triste. Tu sais j'ai de la weed et j'ai des risques là. Je veux plonger dans ces cuisses là en écoutant du cis là. Quoi? Y'a un connard qui te les brise là. C'est sûr qu'il pourra pas gérer ces crises là. C'est mort pour toi j'arrive là. Donc ravage la salive là. Quoi? Tu vois j'ai la maîtrise là. Y'a de la weed et y'a du champagne. Si t'as de l'huile je te fais un massage. Quand le jacuzzi ça devient sauvage. Tu sais déjà où je veux faire naufrage. J'aime quand tu sors de l'eau, quand tu whines. Quand tu tires deux, trois taffes, puis tu tailles. On se met à l'aise, ça finira en 6-9. Enfin le volume 1 so special. Gubunda, ça nous met c'est Gubunda. La place du qui? Gubunda, ça nous met c'est Gubunda. Oui, oui. Gubunda, ça nous met c'est Gubunda. Les Yobili. Gubunda, ça nous met c'est Gubunda. Elle est plutôt cool, tactile, elle est bada. Une batte gale de baiser qu'à Saint-Imada. Night.